Macchiali, Macchiaro, Micchiri, Micchiaro, Macchiali, Macchiaro, Micchiri, Micchiaro, Macchiali, Macchiaro, Micchiri, Micchiaro, Macchiali, Macchiaro, Micchiri, Micchiaro, Macchiali, Macchiaro, Micchiri, Micchiaro, Macchiali, Macchiaro, Micchiri, Micchiaro, Macchiali, Macchiaro, Micchiri, Micchiaro, Macchiali, Macchiaro, Micchiri, Micchiaro. Petite fille veut ressembler à une grande, pendant que la grande fille veut redevenir petite. Ça passe de Dora l'exploratrice à Hello Kitty, Hello Gucci, Hello ma fille. Ne sois pas abruti, le monde est à l'envers, pourtant on le croit à l'endroit. Et tout est à revoir, dans ce monde tout est au revoir. Rien n'est définitif, mais je me dis que si ça continue comme ça, on se dirige pas vers un monde de gloire. Plus les années avancent, plus la technologie aussi. Je m'en fous mais je suis d'accord pour dire qui a le plus d'iPhone et de fric dans les mains d'une fille que depuis. Dans un seul pays d'Afrique, on se dirige où? Bah vers la facilité. Orelsan a raison, c'est une très mauvaise idée. Dans 5 ans on sera tous et tout se fera sur internet. Donc plus d'intérêt pour les internats, soyez pas bêtes. Macchiali, Macchiaro, Micchiri, Micchiaro, Macchiali, Macchiaro, Micchiri, Micchiaro, Macchiali, Macchiaro, Micchiri, Micchiaro, Macchiali, Macchiaro, Micchiri, Micchiaro, Macchiali, Macchiaro, Micchiri, Micchiaro, Macchiali, Macchiaro, Micchiri, Micchiaro, Macchiali, Macchiaro, Micchiri, Micchiaro, Macchiali, Macchiaro, Micchiri, Micchiaro. C'est bien beau d'être tous reliés par le même fil ensemble, mais si je coupe internet, les feux de la montre seront du sang. L'amitié disparaîtra, tu seras seul contre toi. Et les no-life mourront déjà que la vie, bah ils en avaient pas. Je serai sûrement le premier touché, mais moi je dis ça parce que je suis conscient qu'internet m'a eu et m'aura. Dans ce monde, plus d'aura, plus d'aura, mais que des j'aime, que des j't'aime pour n'importe quoi. Plus de gêne, tout se dira. Le halo de Thomas Edison, remplacé par Nabila. Débila, véritable, SMS, insociable. Mal à l'aise face aux humains, à l'aise à l'informatique. Par habitude, regarder et ne pas être regardé, c'est l'eau. Emploi un garde du corps, mais pour protéger les autres. Monde de fou, plus tu me parles de toi et plus je m'en fous. Faute de faciliter la vie, bientôt on bougera plus. On se fera enculer par la vie, comme Magali. Macchiali, Macchiaro, Micchiri, Micchiaro, Macchiali, Macchiaro, Micchiri, Micchiaro, Macchiali, Macchiaro, Micchiri, Micchiaro, Macchiali, Macchiaro, Micchiri, Micchiaro, Macchiali, Macchiaro, Micchiri, Micchiaro, Macchiali, Macchiaro, Micchiri, Micchiaro, Macchiali, Macchiaro, Micchiri, Micchiaro, Macchiali, Macchiaro, Micchiri, Micchiaro. J'ai pas envie de tout dire, je dirais même j'en sais rien, mais je sais qu'on est tous humains, tous des terriens, mais c'est certains essayent de se robotiser, de nous robotiser. Un jour tout sans le savoir on se fera lobotomiser. Et les policiers seront supérieurs à la loi, tous victimes d'un pouvoir catastrophique, atroce d'effroi. Une vie immatérielle, virtuelle, 100 fois pire qu'aujourd'hui. Parce qu'on sera tous débiles, fainéants, abrutis. Les livres seront des objets de valeur, le savoir aussi. On se dirige vers une monarchie, adieu la démocratie. Adieu le combat de nos ancêtres, adieu tout le travail fait. On s'avance de plus en plus vers une fin du monde fait. Qui sera créé par des fous intello. Soumis sera le monde, plus de médecins, plus de chirurgiens. L'intelligence sera détruite, conneries, naïveté, tous sur la même onde. Donc pour éviter tout ça, évitons la fuite. Macchiali, Macchiaro, Micchiri, Micchiaro, Macchiali, Macchiaro, Micchiri, Micchiaro, Macchiali, Macchiaro, Micchiri, Micchiaro, Macchiali, Macchiaro, Micchiri, Micchiaro, Macchiali, Macchiaro, Micchiri, Micchiaro, Macchiali, Macchiaro, Micchiri, Micchiaro, Macchiali, Macchiaro, Micchiri, Micchiaro, Macchiali, Macchiaro, Micchiri, Micchiaro, Macchiali, Macchiaro, Micchiri, Micchiaro.